Et c'est là que je finirai ma vie. Oui, comme d'autres galants ont fini. Écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons. C'est la nuit, traîner dans les rues, où ils iront tout droit en prison.